nits màgiques, nits de Nadal, nits de companyia i de música. Així estem nosaltres a través d'Olala Music amb aquest segon especial de Nadal que us portem amb aquesta temporada. Avui seran artistes diversos que ens acompanyaran en les seves cançons. Salutacions de Rafael Corbí. Comença, doncs, la música amb el Francesc com a protagonista. Benvinguts i benvingudes. Plus belle nuit depuis la nuit des temps, c'est la nuit de Noël, la nuit d'un pauvre enfant, de Jésus, fils de Dieu, descendu sur la terre pour que les cœurs anxieux ne soient plus solitaires. Pour que la paix du monde arrive et qu'ici-bas l'espoir, la charité viennent guider nos pas aux joies de Bethléem. Merci pour ta lumière qui change en un seul jour la face de la terre. Non. Parmi les ouvriers, ne quittant ton travail que pour aller prier, mon Dieu de Nazareth, à l'enfance tranquille, Jésus, tu vas grandir, humble, doux et docile, la maison de ton Père. Temple de Dieu, c'est là que tu promets le royaume des cieux à ceux qui te suivront, et qu'enfin tu pardonnes en mourant sur la croix tous les péchés des hommes. Non. Chaque s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un peu. devant ses ébats, plus de reine reste à Baba. On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le pire est nos nez rouges, rouge comme l'humilion. Maintenant qu'il entraîne son chat à travers les cieux, c'est lui le roi des la música per començar de Marie-Denise Pelletier en aquella nit tan bella, i també escoltem a una jove Celine Dion, la quebequesa que ens aportava aquesta petita ren del nas vermell. També va veure la seva mare abraçar el Pare Noel i un passeig en trineu. La Celine Dion ens canta aquestes cançons amb aquest programa especial en nadalenc de Hola la Música. C'est Noël et comme chaque année, le petit Jojo a des joujoux plein sa cheminée. Mais depuis la nuit même, il a aussi un secret. À son nounours qu'il aime, il murmure si tu savais. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Ils étaient sous le gui et me croyaient endormi, mais sans en avoir l'air, j'avais mes deux yeux entrouverts. Ah si, papa sapin. Parfois je souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. L'attelage a déjà pris le chemin du retour. Nous allons être surpris par la tombée du jour, car c'est l'heure où la nuit sans bruit s'épanouit comme une fleur et s'allume le ciel qui change de couleur. Mais voici notre maison qui nous fait signe au loin. Sa lumière à l'horizon scintille comme un point. Je me vois déjà près de toi, le rire aux yeux, le cœur content, près du grand feu de bois qui flambe et nous attend. Au petit tronc s'en va le cheval avec ses grelots, et le traînant joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le vallon s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Adiap, adiap, adiap, ohé, ohé du traîneau. Emmétouflez-vous bien dans vos manteaux. Adiap, adiap, adiap, ohé, pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid. C'est merveilleux de voir défilant comme un décor peint devant nos yeux les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois tu cries car ça penche un peu, c'est l'instant des fois. Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. Esteu escoltant Oh La La Music amb Rafael Corbí. Instas era di Nadal, sento oggi di una dale chi canta e chi spera sempre. Roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois aigris sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Joli sapin, comme ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous, tout brillant de lumière. Natale d'amore e di canzone, l'amicizia e di speranza, alla vera pace e saluta. Oh,

costume. Ce soir, la vie est belle. Solidària, regrupament, aquell regrupament d'artistes francesos que tant ha triomfat a través dels anys amb tres de les cançons que també varen publicar amb el seu temps nadalenc. Estem a Nadal i estem en la companyia d'André Gagnon. Thank you. Hola la Music amb Rafael Corbí. Un voile se soulève sur des mondes étoilés. Ce soir, c'est Noël, et pour toute la terre, pour Auteuil et pour Aubervilliers, ce soir-là, tout seul, qui ne repose guère, auront des fleurs près de l'oreiller. La misère s'achève, le mal est oublié. Lorsque les enfants lorsque les enfants pleurent, leur bonheur étoilé, une étoile demeure au ciel d'Aubervilliers. Ce soir, c'est Noël et la joie de dans mon cœur se réveille à minuit, effaçant la peur, la misère et la guerre, protégeant notre joie d'aujourd'hui. Lorsque les enfants pleurent, leur Noël oublié, lorsque les enfants chantent, se lève un arc-en-ciel en couleurs étonnantes des matins de Noël. Un homme ce soir demande l'aumône. Il est tout seul, il n'a plus rien. Ouvrons, ouvrons notre porte et notre cœur en même temps. Fait-on autant que le nôtre, le Noël des pauvres gens. Dans la brume, il demande pas la lune pour que l'espoir se rallume. De ton sourire, il a besoin. Ouvrons, ouvrons notre porte et notre cœur en même temps. Fait-on autant que le nôtre, le Noël des pauvres gens. Cicatrisant

sur son traîneau chargé de joies et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle du renne dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ce simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes à moi jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux. Joyeux, joyeux, ouais. Joyeux, ouais. La tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaîne le fer. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple de beau, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Setmana queda especial de Nadal amb els minuts, amb la música nadalenca que ens aportava en Tino Rossi, i aquesta peça abans del Jordi Ballester també ens acompanyava amb més de les seves cançons. Un parell de temes més per dir-vos adeu, que ens arribaran amb altres personatges destacats del món de la música. Avui vull escoltar també amb en Luis Mariano, amb una de les seves cançons, Els àngels que ens toquen i que ens porten, El so de les campanes, i amb una altra de les cançons de la Tortière també acomiadarem el nostre espai. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat un plaer, que tingueu molt bon i espectacular, diria jo, m'agradaria moltíssim entrada d'any nou i que aquest sigui feliç per tots els oients de Hola la Música. Fins la propera, a reveure. la France a ses rillettes, son foie gras, ses crêpes Suzette, la Belgique a ses gaufrettes, et Milan son escalope, Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine, l'Espagne a ses mandarines, et l'anglais son marin chops. Mais nous on fait exception, au diable l'importation. À part la patate, à part la patate, la patate à part, la patate à part, le ragoût de pâte, le ragoût de pâte, la soupe au pois, qu'est-ce qu'on dévore? Oh, c'est la tour, tour, tour, la tourtière. On savoure, vous, vous, tout entière. Faites, faites, faites, faites, ménagère. Je trouve ça bon, ça bon, ça bon, la tourtière. On vante la bouillabaisse que font cuire les Marseillaises. On tourne la mayonnaise du Tonkin jusqu'au Chili. La choucroute est allemande, le fromage de Hollande, chop suey garni d'amandes. Tout ça c'est des chinoiseries, mais nous on est des gourmets, on aime les bons mets. À part le gueuleton, à part le gueuleton, qui guère dans le thon, qui guère dans le thon, ou dans le boudin, ou dans le boudin. Il faut manger quand on a faim. Mais la tour, tour, tour, la tourtière. On savoure, voure, voure, tout entière. Et ça vaut, ça vaut, ça vaut, va vous plaire. Je trouve ça bon, ça bon, ça bon, la tourtière. La recette, c'est facile comme une omelette. Vous mettez dans une assiette des machins, mais pas trop gros. Ajoutez des petites affaires, videz-y toute la salière. Embrassez la cuisinière et placez dans le fourneau. Mais pour faire du flofla, faut pas s'arrêter là. Pour casser le jeûne, pour casser le jeûne, il faut le jeûne, il faut le jeûne. Le jeûne c'est quoi? Le jeûne c'est quoi? Pour lever ce plat de choix. Oh, tout d'abord la dandonne de grand-père, de la part de tante Aurore, c'est jatière. Pour pas faire de peine encore, pour beau-père, rajouter une couenne de l'or, la belle-mère. À Noël, que mange-t-on? La tourtière. Au jour de l'an, que mange-t-on? La tourtière. Et au roi pour le gueuleton, la tourtière. Jusqu'au menton de la tour, de la tour, la tour lourde, lourde, de la tour lourde, lourde, la tourtière.